question I to say. For you, and everything you do, there were 'cause you will. Oh yeah, Lord. My voice is too. C'est trop fort, hein? Volume is okay for you? Look at the sun, look how it shines for you. And everything you do, yeah, they wear all yellow. I got a lot, I want a song for you. All the things you do, and it was called the yellow. Beautiful. you, for you have been my sunshine. Thank you. Yeah. J'ai ôté mon chapeau, sans jouer les vedettes, sans la vie des châteaux. Regardez la lumière, un seul pied sur la terre. Cœur de mes congénères, regardez la lumière. Creuser la terre sans jouer les héros. J'entendais le tonnerre et puis après l'écho. À l'évidence, je vais payer des années d'errance. À l'évidence, je vais payer toutes ces années d'errance. J'ai baissé la tête, j'ai ôté mon chapeau, sans jouer les vedettes, sans la vie des châteaux. Regardez la lumière, un seul pied sur la terre. Regardez la lumière, car de mes congénères. J'ai creusé la terre sans jouer les héros. J'entendais le tonnerre et puis après l'écho. Regardez la lumière, un seul pied sur la terre. Regardez la lumière qui surgit d'un mystère. comme le ver du fruit, comme un cri dans la nuit. À l'évidence, je vais payer pour mon imprudence. À l'évidence, je vais payer pour des années d'errance. Ready to play guitar? I want to listen to your guitar. One, two, three, four. Come on. Showtime. Tu as un très joli son de guitare.